Pour vos idées cadeaux de Noël à prix abordable, le magasin Canadian Tire de Dolbeau-Mistassini, c'est l'endroit à visiter. Le propriétaire Ken Bennett et tout le personnel souhaitent de joyeuses fêtes à toute la population et vous remercient de votre encouragement durant toute l'année. Le magasin Canadian Tire, 1751 Boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini, 276-2385. Et n'oubliez pas de consulter notre circulaire chaque semaine. La coopérative de camionnage de Saint-Félicien aimerait souhaiter de joyeuses fêtes à toute la population. La coopérative de camionnage de Saint-Félicien est un employeur important dans le comté, puisqu'il possède des chargeurs de bois. Les bureaux de la coopérative de camionnage de Saint-Félicien sont situés au 905 Boulevard Amel, au numéro de téléphone 418-679-9494. Le site touristique de la Chute à l'Ours vous accueillera cet hiver. Plusieurs services vous seront offerts. Location de chalets, sentiers de raquettes, accès direct via les sentiers régionaux de motoneige, restauration avec service de bar et entrée gratuite sur le site. Pour plus d'informations, visitez lechutealours.com. Ici Éric Tremblay de Haltech. Le temps des fêtes est une belle occasion de se rassembler avec ceux qu'on aime. Toute l'équipe est heureuse de contribuer à votre confort grâce à ses thermopompes Mitsubishi. Haltech vous souhaite de très belles fêtes et une bonne année. Hier, le ministère des Terres, Faunes et Forêts ont sorti des statistiques concernant les nombres d'orignaux abattus dans la région. Et c'est une très, très bonne année. 4252 orignaux ont été abattus. On va parler avec le biologiste du ministère des Faunes, Forêts et Parcs, Claude Dussault. Bon après-midi, M. Dussault. Oui, bonjour. M. Dussault, 4252 orignaux abattus en 2017, ce qui est augmentation de 3%, ce qui est très, très bon. Hein? Oui, en fait, c'est ça, c'est la plus grosse récolte enregistrée dans la région. Okay. Et comme vous l'avez dit, c'est une augmentation de 3% par rapport à l'année 2015. OK, OK. Et ce qu'on voit, évidemment, c'est que dans la statistique, c'est que depuis 1994, ça fait déjà quoi, 23 ans qu'il y a eu cette politique-là, où une année... on prend les mâles, une année c'est les deux, et ça commence vraiment à porter fruit là. Bon, oui, parce que si on regarde là, en 1994 là, ben, en fait, l'année 93 là, la dernière année là, où est-ce qu'on a eu le plan de gestion là, où est-ce que le plan de gestion n'était pas en vigueur, comme vous l'avez dit, le plan de gestion est rentré en vigueur en 1994, donc en 1993, on parlait de 1200 orignaux qui avaient été récoltés. Disons, en moyenne, on peut parler qu'avant la mise en place du plan de gestion, c'était 1500 orignaux. Fait que là, aujourd'hui, on est rendu autour de 4000, ben, en fait, à plus de 4000, là. C'est une augmentation de, peut-être fait de 3 fois, mais pas loin. OK, OK. Dites-moi, donc, est-ce qu'il y a plus de chasseurs? Parce que je regarde ça, là, c'est une augmentation d'année en année. Si on calcule avec avec le nombre de chasseurs, est-ce que c'est plus, c'est moins, c'est... Bien, regardez, si on parle juste en termes stricts du nombre de chasseurs, là, si on monte dans les années 90, là, ouais. Dans les années 90, on pouvait parler autour de 21 000 chasseurs. Okay. Ça l'a baissé, par contre, en 1996, là, c'est là qu'on a eu notre creux. Là. On parlait de 15 500 chasseurs, donc on avait une diminution. Mais aujourd'hui, on parle au-dessus de 27 600 chasseurs. Mais ce qui est important là-dedans, c'est de, comme vous le dites, là, si le nombre de chasseurs augmente, c'est peut-être pour ça qu'on a plus d'orignaux d'abattus. Mais en fait, il faut regarder le succès de chasse, donc le nombre d'orignaux abattus par chasseur, par nombre de permis. Puis avant la mise en place du plan de gestion, on est autour de 7%. Puis maintenant, on est rendu autour peut-être 15,5%. Donc, le succès de chasse a doublé. Dans le fond, tout ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, malgré qu'on ait une augmentation du nombre de chasseurs, il y a aussi une augmentation du nombre de réunions. Ah, OK. Donc, c'est de checker à l'Institut. Je regarde dans l'article que vous avez, dans le communiqué de presse que vous avez envoyé, 27 631 au Québec actuellement ont été récoltés par les chasseurs, 13 631 mâles et 10 953 femelles et 3 047 féons. Ça, c'est des jeunes, ce qu'on appelle des bocs, c'est ça? Non, les fans, là, ce sont les jeunes, les bébés des orignaux. Oui, c'est ça. Ce sont des bocs, comme on dit. Ils ont 6 mois. Non, les bocs, ce sont des mâles. OK. Fait que les fans, là, c'est des individus qui ont 6 mois. Okay. Je suis tellement pas chasseur. Que ce soit des mâles ou des femelles. Vous savez que je suis tellement pas chasseur. Mais, M. Rousseau, quand on regarde ça, la région se classe où? Est-ce qu'il y a un classement, de fait? Est-ce que la région de Saint-Lac-Saint-Jean est une des bonnes régions au Québec? Oui, c'est une des bonnes régions, là. À quel rang, là, je pourrais pas vous dire vite, mais c'est une des bonnes régions, là, au Québec. OK. Donc, j'imagine que c'est très, très positif et effectivement. Si on parlait aussi des permis vendus, ce qu'on voit, c'est que là aussi, il y a des augmentations aussi, là, hein? Vous voulez au nombre de permis? Ouais. Oui, au niveau du nombre de permis, voyez-vous, cette année, on a 27 630 permis là, qui ont été vendus. Bon, si on regarde, là, c'est sûr que c'était une bonne augmentation, mais c'est une bonne augmentation par rapport à des années antérieures, mais depuis, je vous dirais, là, depuis après 2013, là, c'est à peu près stable, entre 26 et 27 000 permis là, qui se vendent là, annuellement. Okay. Donc, Mais on regarde, cette je année, ça a regarde, été la plus grosse vente de permis là, cette ouais, année. je regarde depuis 1994, la politique qui a été installée en 1994, c'était vraiment ça qui a fait en sorte que sauver peut-être la chasse, certainement. Oui, c'est sûr qu'avec la mise en place des plans de gestion, là, la protection de la femelle, ça a permis finalement là, au cheptel d'augmenter. Puis ça, on le voit dans les inventaires aériens qui ont été réalisés, là. On le voit là, que le cheptel augmente, là. OK. Ben, monsieur Rousseau, ben, vous souhaitez des joyeuses fêtes et Ben, beaucoup de merci bien, vous, santé, pareillement. de bonheur et beaucoup, beaucoup de. Et au plaisir de se reparler en 2018. Bon, ben, c'est parfait. Puis, je vous retourne les vœux aussi. Claude Rousseau, biologiste au ministère de la Parc, Forêt et Faune.